Oui, j'avais cru pouvoir dire qu'une clarté sortait de ce grand siècle et que cette étincelle rattachait l'âme humaine à l'âme universelle. Qu'ici-bas, où le sceptre est un triste hochet, la solidarité des hommes ébauchait la solidarité des mondes, composée de toute la bonté, de toute la pensée et de toute la vie éparse dans les cieux. Oui, je croyais, les yeux fixés sur nos aïeux, que l'homme avait prouvé superbement son âme. Aussi, lorsqu'à cette heure, un Allemand proclame zéro pour but final et me dit « Ô néant, salut !» J'en fais ici l'aveu, je suis béant. Et quand un grave Anglais, correct, bien mis, beau linge, me dit « Dieu t'a fait homme, et moi, je te fais singe. » Rends-toi digne à présent d'une telle faveur. Cette promotion me laisse un peu rêveur.